Bonjour, c'est le retour des roues libres avec un épisode un peu particulier car nous recevons cette semaine Caroline Corbasson, dont le métier n'est ni la science ni la vulgarisation, mais qui est une artiste passionnée d'espace. Nous sommes le mardi 2 février et vous êtes sur Podcast Science. Donc cette semaine, c'est un tour de table virtuel, puisque personne n'est au même endroit. Donc moi-même qui suis à Baltimore, Nico qui est à Paris. C'est ça, salut. Et notre invitée, Caroline Corbasson, qui est aussi à Paris, mais pas au même endroit. Voilà, bonsoir. Et donc au sommaire de cette émission de type roue libre, donc l'interview de Caroline Corbasson, des questions d'auditeurs, la réponse au quiz du mois, la quote, quelques plugs. Et ce sera tout. Et ce sera tout. Donc, on n'a pas les retours aux émissions parce qu'on a tous été un peu surbookés avec Lyon Science, mais on rattrape ça au prochain freestyle. Et donc, Lyon Science, on vous en parlera un peu plus à la fin. Voilà, bah donc sans plus attendre, on va commencer l'interview de Caroline. Donc, j'ai pris contact avec toi, Caroline, après qu'un collègue astronome à Marseille m'a recommandé ton travail. Et j'ai beaucoup apprécié. Merci d'être venue sur Podcast Science. Merci à vous de m'inviter. Donc, on va commencer par ton parcours. Comment est-ce que tu es devenu, en fait, du coup, plutôt ton double parcours. Comment est-ce que tu en es devenu à devenir artiste et quels sont tes thèmes de recherche et aussi comment tu en es devenu à parler d'astronomie finalement dans tes œuvres. Alors, pour remonter un peu aux origines, j'ai toujours adoré dessiner. C'est quelque chose qui me... Voilà, depuis que je suis toute petite, je dessine tout le temps. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'art. J'ai pas fait d'études scientifiques. Donc, c'est plutôt parti d'un amour pour l'observation de la nature, du monde, une volonté de comprendre et aussi un désir de partager. De retranscrire ce que je pouvais observer. D'accord, donc c'est ce qui t'a amené à la fois à l'art et aux sciences. Et du coup, est-ce que tu as j'ai cité l'astronomie et l'espace dans tes thèmes de recherche, est-ce qu'il y en a d'autres qui t'intéressent? Est-ce que ça s'insère dans quelque chose peut-être de plus vaste? Disons que là, oui, ça fait quelques années que je suis particulièrement inspirée par l'espace. Ça touche évidemment à plein d'autres domaines. Et puis, j'avais commencé aux Beaux-Arts à dessiner des organes du corps humain. Donc, c'était plutôt la biologie, l'anatomie. Donc, je suis partie de l'infiniment petit pour aller vers l'infiniment grand. Ouais. Ok, alors je vais mettre aussi le cœur que tu as dessiné, que tu as fabriqué il y a quelques années. Hop. Donc il faudra bien sûr aller dans les notes d'émission si vous voulez voir toutes les images. Là, la première image qu'on voit, c'est une sorte de trou noir en fait, si je dis pas de bêtises. C'est la représentation qu'on voit souvent. Ouais, c'est un dessin au graphite qui représente une sorte de paysage impossible, une sorte de trou noir au milieu d'un océan. C'est à la fois un paysage. Oui, donc c'est un paysage qui surgit un peu d'un rêve, qui n'est un paysage mental en gros, qui ne pourrait pas exister, mais que j'ai voulu retranscrire en le dessinant. J'ai l'impression que ta démarche de t'intéresser comme ça aux sciences, c'est assez original, mais je connais assez mal en fait le milieu de l'art contemporain. Est-ce que c'est fréquent de parler d'espace en art contemporain, enfin d'espace au sens assez moderne finalement de parler d'espace par rapport à la longévité de l'art. Je pense qu'on peut parler de ciel, d'étoiles, ouais. Je sais pas. Bien sûr, mais je pense que le regard des artistes évolue avec leur époque et aujourd'hui on a de plus en plus de technologies pour observer le ciel, donc c'est sûr qu'on a des images qui sont très différentes de celles que pouvaient voir les artistes des temps plus reculés. Donc voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le thème de l'espace, c'est totalement inépuisable. Et quasiment quotidiennement, on a des nouvelles images qui tombent, des nouvelles matières à exploiter. Donc, c'est même si ça traverse... Oui, et je pense qu'il y a un intérêt croissant, d'ailleurs. Enfin, je vois beaucoup de choses dans l'art contemporain à ce sujet. Et je crois que... Je ne sais pas, peut-être que je m'intéresse particulièrement à ça, donc j'y fais attention. Mais je trouve que, oui, il y a de plus en plus d'artistes qui font un travail lié aux sciences. C'est marrant ta question, Joanne, parce que déjà, on pourrait parler de tout ce qui est... C'est du domaine spirituel, artistique, mais bon, il y a une époque où ce n'était pas très éloigné. Tout ce qui est de la représentation je vais pas y arriver, le zodiaque, etc., dans l'espace, c'est des choses qui sont très artistiques, en fait, où l'espace a intéressé les artistes assez tôt. Et un autre truc qui me fait rebondir, alors je suis pas le spécialiste, mais j'ai lu un livre, que j'ai commencé un livre il y a quelques temps sur le domaine, qui faisait une remarque intéressante qui était que, à peu près à la même époque, les scientifiques se sont posés beaucoup de questions sur le temps, avec la relativité qui touche quand même à l'espace. Et les artistes se sont aussi posé beaucoup de questions avec les travaux, par exemple, de Braque, où tu voyais des mouvements décomposés ou des choses comme ça, où on travaillait un peu sur l'écoulement du temps, sur comment ça se passait, etc. Que c'était des problématiques de l'époque qui allaient un peu au-delà de la science et qui étaient des problématiques qui faisaient parler aussi les artistes, quoi. Je sais pas si ça te fait réagir, Caroline. Je parle trop. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un échange, en tout cas, qui peut être assez riche entre les scientifiques et les artistes. Et ce n'est pas à sens unique. Je pense que les artistes puisent beaucoup de choses dans les sciences, mais je crois que les scientifiques peuvent aussi, en s'intéressant à l'art... je pense que les scientifiques et les artistes sont des personnes qui doivent faire appel à leur imaginaire aussi et qui font appel à leur créativité tous les jours. Contredisez-moi si ce n'est pas vrai, mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de parallèles entre le travail d'un artiste et celui d'un astronome, d'un physicien. Voilà. Il y a un. Moi, je suis plutôt. Je suis pas artiste, mais de la façon dont je le vois, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup. Il y a une recherche, effectivement, dans le métier d'art. Enfin, pour moi, c'est une recherche au même titre qu'une recherche scientifique, quoi. Ouais. Ouais, la pratique peut s'apparenter à celle d'un scientifique. Alors, moi, comme je l'envisage, c'est vrai que j'ai l'impression parfois de faire une sorte de recherche. Alors, c'est plus de l'ordre de la fiction. Il n'y a pas de vérité scientifique dans ce que je fais, mais j'aime bien m'imaginer un peu en exploratrice et en, voilà, en chercheur. D'accord. Alors, tu dis, il n'y a pas de vérité scientifique, etc. Alors, peut-être que ça va venir. Je suis peut-être en train de crier ton interview, Joanne. Je suis désolé, mais tu te documentes sur le sujet un peu avant ou pas? Si c'était une des questions, Joanne, je me tais et ça viendra après. Il y a toujours une phase de documentation. Alors, ça peut être dans des livres ou sur Internet, mais aussi je vais sur les lieux de la science. Je vais dans les observatoires, dans les laboratoires. J'aime bien rencontrer des scientifiques. Et puis après, avec toute cette matière, je vais laisser un peu les choses décanter. Mais je vais mettre tout ça de côté, quoi. Je vais pas chercher à illustrer quelque chose que j'ai vu, à le reproduire. Je prends une sorte de distance par rapport aux documents que j'observe et je les sors de leur contexte en général. Donc il y a une phase de documentation, mais il y a aussi une phase de mise à distance de toutes ces matières que je prélève dans la science. Ok, c'était pas dans l'interview, donc tu peux continuer, ça ne dérange pas. Enfin, combien même, c'est pas grave, on peut changer l'ordre aussi. Ce que j'ai bien aimé aussi, alors tu en as un petit peu parlé dans tes œuvres, tu dis que finalement c'est normal pour toi que l'art de l'espace, donc encore une fois ça me gêne de dire l'espace parce que je pense que les gens qui peignaient des étoiles, il y a 2 siècles ou il y a 2000 ans, peignaient pas l'espace pour eux, enfin, voilà, mais donc on va utiliser ce terme là d'espace qui est assez moderne. Donc tu disais qu'effectivement une évolution de l'espace est donc, il est normal que ça se reproduise par une évolution des représentations de celui-ci. Mais ce qui m'a particulièrement marqué avec tes œuvres, c'est que plusieurs fois, en fait, tu ne représentes pas tant l'espace que tu fais une référence à la science de l'espace. Donc, par exemple, tu fais... Tu fais par exemple, j'ai mis dans la chatroom des images de Hubble, enfin d'une image de Hubble, l'ultra deep field, que tu as peinte sur des miroirs de télescope. Ou alors, quand tu représentes un cratère en 2013, je mets aussi l'image dans la chatroom, tu le fais en fait avec plusieurs bandes les unes à côté des autres. Et je ne sais pas si c'est l'effet qui était voulu au départ, mais en tout cas, moi, ça m'évoque énormément toutes ces images de sondes de surface planétaire qui sont effectivement prises de cette façon-là. On va prendre des bandes les unes après les autres qu'on va recoller avec des endroits qui manquent, des endroits et que... Et donc, pour moi, c'est, tu évoques vraiment, en fait, vraiment la façon dont l'image est produite. Pourquoi est-ce que cet intérêt pour la science en elle-même? Oui, tout à fait. Alors, tu as bien observé, je pense, mon cheminement. Je pense que ça part du... disons que les images scientifiques de l'univers sont toujours assez séduisantes. Il y a une sorte de beauté dans ces images. Et le piège serait de vouloir les reproduire, tout simplement, et d'être un peu paralysé par leur beauté. Donc, j'aime bien m'intéresser aux coulisses, à leur élaboration et à comment elles ont été produites. Donc finalement, je vais un peu à rebours du document final, de la photo finale, qui est souvent assez belle, pour comprendre son mécanisme d'élaboration, de fabrication. Donc le dessin composite du cratère, c'était exactement ça, c'était reprendre une sorte d'esthétique d'imagerie spatiale, mais je l'ai appliqué à une image terrestre. Parce que ce cratère, c'est Meteor Crater et il se trouve sur la Terre. Voilà. Ah oui, il est en Arizona. Oui, il est en Arizona. Et donc, on pourrait penser à une image de la Lune à première vue. Mais en fait, voilà, il s'agit d'un cratère terrestre. Donc, c'est une façon un peu de troubler aussi, de brouiller les pistes, quoi. D'accord. Je vais tout de suite mettre une question d'auditeur, parce que c'est relié à ça. Donc, c'est une question d'Alec qui demandait « Est-ce que tu as accès à des images issues des expériences ou tu reprends plutôt les images de communiqués type site NASA ?» Donc, je pense que quand il voulait dire des images issues des expériences, c'est plutôt des images brutes ou est-ce que tu reprends les images... parce que oui, c'est exactement dans ce que tu disais. Est-ce que tu prends des images vraiment brutes ou plus déjà retraitées par communiqués NASA qui sont souvent améliorées, quoi ? Ouais, souvent, elles sont déjà traitées. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours cette frustration. J'aimerais voir les images brutes. Et donc, il y a souvent un peu un cheminement, en marche arrière, parce que les images Hubble, par exemple, elles sont en couleur. Et moi, je les ai remises en noir et blanc. Mais j'aimerais beaucoup avoir accès à ces images d'expérience. Je ne sais pas s'il y a un endroit où on peut les trouver ou si. Enfin, il faudrait que je puisse. Ah oui, je pense que je peux te. Oui, si tu veux qu'on discute après, je pense que je pourrais t'expliquer comment avoir accès à des images Hubble. Après un certain temps, en fait, elles deviennent en libre accès et du coup. Ouais, c'est ça. J'essaie de toujours trouver un peu. Et principalement sur Internet, en effet, sur le site de la NASA. J'ai un peu traité. Ouais. D'accord, mais je pense que je pourrais t'aider. On en discutera une autre fois. Cool. Et en fait, pour continuer sur cette poussée, tu as même fait une œuvre évoquant le fond diffus cosmologique. Alors, je vais la mettre dans la chatroom tout de suite. Elle doit être là. Je vais appeler Noise. Voilà. Mm-hmm. Et effectivement, oui, c'est vrai que quand on voit l'image, enfin, il n'y a plus. On peut rappeler rapidement ce que c'est le fond diffus cosmologique. Donc j'ai préparé une définition telle que je peux la trouver sur Wikipédia, donc la définition scientifique. Mais je trouverais intéressant que tu me donnes toi la vision que tu en as du fond diffus cosmologique. Ouais, ok, je vais essayer. pour moi, c'est un peu une énigme, ce fond diffus cosmologique. Je trouve que c'est une image qui m'a intriguée parce que justement, je la trouvais difficile à déchiffrer. J'ai demandé à plusieurs personnes de m'expliquer ce que c'était et ça a toujours été un peu un échec parce que voilà. Mais justement, contrairement aux images de galaxies, d'étoiles et tout ça, elle a un côté un peu plus abstrait, elle donne pas beaucoup à voir et c'est ce qui m'a intéressée. Je la trouvais un peu hermétique et donc j'avais envie d'en faire quelque chose. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était son histoire, parce que quand on sait que le fond diffus cosmologique a été détecté par accident, c'est un peu ça qui m'a plu. C'est l'histoire qui se cachait derrière cette carte, le fait que c'est cette découverte, entre guillemets, accidentelle, et et aussi son apparence qui est faite d'une multitude de petits accidents. Enfin, c'est une sorte de motif accidenté. Donc, j'avais envie d'utiliser cette matière. Et toi, tu as utilisé directement donc, cette visualisation en rouge, en bleu, etc. Ouais, je l'ai imprimé. En fait, j'ai imprimé la carte, vraiment le document scientifique tel quel, sans intervenir dessus. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un calque sur mon impression, ce qui a créé une sorte d'effet de flou et un peu comme un flou photographique. Et ça crée aussi une barrière entre le spectateur et la carte. Donc on avait un peu du mal à la lire. Ça, c'est intéressant parce que, en toute franchise, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans Podcast Science, j'ai beaucoup de mal avec art et science, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Et là, sur le fond... Ouais, non, vraiment, je m'intéresse beaucoup à l'art et à la science et je suis très souvent déçu dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que les expositions d'art et science faites par des scientifiques, j'ai souvent l'impression que c'est des scientifiques qui ont trouvé leurs résultats jolis et qui les ont encadrés. Ouais. La caricature de ça, c'était à la Fondation Cartier à Paris où ils avaient fait des 4 sur 3 avec des équations mathématiques. Ah oui. Voilà, bon, soit. Et l'inverse, c'est pas beaucoup mieux parce que quand l'artiste dit je fais de la science, très souvent ça se résume à je mets beaucoup de mots compliqués les uns à côté des autres, mais voilà, quoi, ça s'arrête un peu là. Et le summum de ça, pour ça donner une idée, c'était un chewing-gum mâchouillé qui était exposé pour te donner toute l'idée de la recherche scientifique qui était compliquée, le travail, tout un travail, mastication et tout. Alors, c'est très compliqué parce qu'en art contemporain, tu vas avoir beaucoup de... C'est très facile de se moquer du résultat parce que l'important, c'est la démarche. Donc, c'est très facile dans ma position de dire ça, mais c'était plus pour te parler de ça. Si je rebondis là-dessus, c'est que sur le fond diffus cosmologique, c'est intéressant que tu aies pris cette image-là. Parce qu'en fait, les scientifiques, quand ils ont réalisé cette image, concrètement, ils ont mis des couleurs bleues et rouges parce que leur logiciel de figure, par défaut, ils mettaient des couleurs bleues et rouges. Et en fait, ce qu'ils représentent, c'est pas des couleurs bleues et rouges, c'est un truc qui est derrière ça, en fait. C'est que des fois, c'est plutôt rouge, des fois, c'est plutôt bleu, etc. Et toi, tu as choisi de juste utiliser la représentation et de travailler sur cet outil comme un outil plastique que d'utiliser le concept du bruit diffus cosmologique et de travailler dessus. Est-ce que ma question est trop longue ou est-ce que tu as des choses à en dire? Disons que ce qui m'intéressait, c'était aussi cette idée de passage d'un univers opaque à un univers transparent. Donc c'est un peu cette idée l'idée de ce voile, enfin de ce calque placé devant l'image et qui, quelque part, comme je disais tout à l'heure, j'avais du mal à la déchiffrer. Donc, j'avais envie de symboliser cette sorte de barrière et ce passage d'opaque à transparent avec ce calque. Qu'est-ce que tu demandes? Non, en fait, c'est justement là où des fois je suis un peu frustré, c'est de me dire j'aimerais que des artistes s'amusent avec certains concepts. Alors, t'en as qui le font. Robin dans la chatroom l'a cité, la série des Julius Corentin Hackfack de Marc-Antoine Mathieu, qui justement va s'amuser de concepts. Alors, je sais pas si on peut parler scientifique, il y a des concepts un peu mathématiques dedans, et va les utiliser dans un format de création qui est la bande dessinée. Où tu as du voyage dans le temps, tu vas avoir des... il utilise le matériau de bande dessinée en volume, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu as des éléments découpés. Enfin, ces albums sont toujours en bordel parce que c'est découpé à l'intérieur, etc. Pour utiliser... c'est un peu ça où je venais. C'est que du coup, en gros, tu as pris l'image plastique et tu as fait une création pour y exprimer l'émotion qu'elle te faisait dégager. Je sais pas si je... Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'était une façon de matérialiser cette incompréhension. Enfin, c'est ça. Mais alors, c'est une démarche que je comprends et qui me parle. Vrai que je me demande, est-ce que c'est pas possible de se dire, je vais essayer de prendre le concept, c'est-à-dire ce que les scientifiques ont découvert, ont créé, qui finalement est pas du tout cette carte. Cette carte, c'est le symbole, en fait. Tu vas mettre la République, tu vas mettre le drapeau, mais c'est juste un symbole. Et je vais travailler sur le concept plus que sur le symbole, quoi. Je suis pas complètement d'accord que c'est qu'un. Enfin, c'est pas. Que... Enfin, ça... je suis d'accord que ça correspond à rien de ce que tu vois. Tu parles toujours du fond diffus cosmologique quand tu dis ça. Ouais, bien sûr. C'est effectivement, c'est une représentation compréhensible par nous de ce que c'est. Ouais. Mais ça a autant de sens. Enfin, c'est pas plus un symbole que ce que tes yeux te renvoient sont un symbole. C'est juste une différente longueur d'onde. Donc ouais, juste pour rappeler, dire, j'ai préparé aussi une définition quand même de fond diffus cosmologique parce qu'il y a peut-être des gens qui savent oui, pas. Oui, vas-y, pardon. Donc on va peut-être rappeler ce que c'est avant de pas continuer à parler. Tout à fait. Commence par ça parce que c'est le nœud du sujet. Donc c'est on appelle aussi le rayonnement fossile de l'univers. C'est un rayonnement donc en micro-ondes, donc qui sont des longueurs d'onde qui sont pas accessibles à nos yeux, qui sont accessibles par nos antennes de télé typiquement, et qui provient de toutes les directions à la fois et qui est relativement homogène, donc pas complètement homogène. C'est pour ça qu'il y a ces petites taches, mais sinon il est relativement homogène dans toutes les directions. Et en fait, il a été émis. C'est un rayonnement en fait qui a été émis aux premiers instants de l'univers, environ 380 000 ans après le Big Bang, qui est le signe d'une époque où l'univers était beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud. Donc on peut apprendre beaucoup en étudiant ce Big Bang, et on apprend toujours beaucoup, beaucoup. Depuis 20 ans, on apprend énormément de choses sur ce fond diffus cosmologique. Voilà. Même si du coup maintenant il s'est refroidi, et du coup maintenant il intervient plutôt dans des ondes assez longues comme les ondes radio. Et d'ailleurs, je crois que c'est vrai qu'il y a 1% quand on regarde la neige de la télé. Il y a 1% de la neige de la télé qui vient du fond diffus cosmologique. On entend beaucoup ça, ouais. Mais du coup, pour rebondir sur ta définition, c'est-à-dire que le fond diffus cosmologique, tu l'as dit, c'est quelque chose qui représente le passé, qui est grosso modo maintenant une micro-onde, et qui est tout autour de nous. Donc c'est un truc qui finalement est sur une sphère tout autour de nous. Et les physiciens, quand ils ont présenté ça, ils l'ont présenté sous forme de cette carte, qui donc a une forme d'ovale, et qui a des couleurs qui varient du rouge au bleu en passant par le vert. Et en fait, ils ont déjà fait un travail qui est de représentation picturale du concept. Alors bien sûr, en fait, ils ne l'ont pas fait volontairement, c'est que leur logiciel l'affiche comme ça. Ou en tout cas, quand ils mettent les bons inputs dedans, ça l'affiche comme ça. Et je me disais, je serais passionné de voir un artiste qui dit « je prends le concept en main et je vais en faire une représentation picturale propre ». Totalement différente, ouais. Alors, qui n'est pas la démarche que tu as essayé de faire, donc je comprends bien que ce n'est pas du tout la même démarche. Quand tu as des images visibles, ce que tu étudies finalement, ça va être ce que ton logiciel va t'en sortir. Personne ne travaille sur des images telles que tu peux les voir. Oui, mais regarde, prends les images visibles, c'est un très bon exemple. Les images visibles, tu as eu des périodes hyper réalistes, mais typiquement depuis l'essor de la photographie, on en est sorti. Maintenant, tu as eu du fauvisme, tu as eu du cubisme, tu as eu plein d'époques qui ont réinterprété ce que voyait l'œil pour en faire une création picturale en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pardon, j'étais encore sur la production d'images. Donc là, en fait, c'est de dire, ouais, il y a ce truc-là, mais je peux le représenter en volume. Tu vois, de dire, ce truc-là, en fait, finalement, comme c'est tout autour de nous, je vais en représenter une sorte de boule avec des pics, etc. Et de faire un vrai objet artistique, en fait, qui a beaucoup moins d'intérêt scientifiquement, mais qui du coup obtient un intérêt artistique, en fait. Enfin bon, on va laisser Caroline parler. Oui, non, bien sûr, je trouve que c'est intéressant comme point de vue. Mais moi, disons que j'aime bien m'intéresser à ces limites de représentation et au fait que ce logiciel a sorti l'image comme ça. C'est quelque chose qui m'intéresse de voir que... Enfin, j'ai trouvé que cette image, elle avait un côté un peu frustrante. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis restée sur ma faim quand je l'ai vue. Donc c'est vrai, j'ai eu ce sentiment. Et en effet, il faudrait pouvoir en faire quelque chose qui sorte un peu des conventions et qui sorte de la représentation. Ce serait un challenge, ouais. Et du coup, c'est marrant parce que tu as dû être encore plus frustré avec le boson, en fait. Parce que là encore, il y a une image, alors que le boson, il n'y a rien. On te dit juste, c'est génial, fais-moi confiance. S'il y a des images, on y vient. Je reviendrai après un peu plus tard sur les autres sciences. C'est quoi la petite... Mais oui, les scientifiques et les artistes partagent leur passion. On a oublié de te prévenir, on a des dessinateurs qui dessinent en live pendant l'émission en fonction de ce qu'on dit. Ah, super. Donc là, c'est un dessin d'un nouveau dessinateur, en plus, qu'on a depuis la semaine dernière. Il ne faudrait pas que je fasse d'erreur sur le nom, je vais dire une connerie si je lis là directement signature. C'est Kiyoku 57, et donc il nous a fait un joli dessin pour entamer la soirée. Ok, cool. Oui, donc juste pour finir sur cette discussion sur le fond diffus cosmologique. Donc là encore, oui, donc on a des trucs finalement qui sont pas forcément compréhensibles. Un cratère à la limite, je pense que même quelqu'un qui est pas forcément scientifique a une idée de ce que c'est qu'un cratère. Par contre, finalement, c'est le fond diffus cosmologique, c'est assez éloigné des représentations habituelles de l'univers, autant pictural que dans l'imaginaire collectif. Est-ce que tu penses que cette œuvre et d'autres de tes œuvres ont besoin d'une explication scientifique à côté, Ou est-ce que tu penses qu'elle devrait être comprise sans, ou est-ce que tu penses que les deux? Je ne sais pas. Ah, c'est une bonne question. En fait, je préfère qu'elle puisse vivre sans explication. Mais, donc, ce n'est pas une nécessité pour moi qu'il y ait une explication. En revanche, c'est souvent assez enrichissant. Enfin, il y a des gens qui veulent savoir. Et c'est vrai que... Je fais l'effort d'écrire un peu et d'expliquer parce que j'ai réalisé que c'était important pour pas mal de gens, quand ils venaient voir une exposition, de comprendre déjà l'intention de l'artiste, mais aussi un peu l'histoire de chaque œuvre. Donc je le fais, j'explique. Mais je préfère qu'elle puisse aussi fonctionner. Enfin, je veux dire, que les œuvres ne soient pas tributaires de ces explications. Voilà. D'accord. Et ça me provoque une question, ce que tu dis, parce qu'en plus, ça résonne beaucoup avec, avec l'art contemporain, quand il est vraiment absolument pas joli, ce qui n'est pas vraiment le cas de tes œuvres, parce que toi, dans ce que je vois là, il y a déjà une accroche esthétique qui fait qu'on peut apprécier uniquement l'esthétique de la chose. Le problème, quand tu présentes une œuvre qui n'est pas spécialement jolie ou quoi, ou qui est simple à faire, je pense par exemple au fond diffus cosmologique dont on a parlé, où il y a un voile blanc, il y a plein de gens qui peuvent te dire « Ouais, enfin moi, mettre un voile par-dessus, ça va, je sais faire. » Et du coup, pour permettre à ces gens-là ou aux gens qui ne comprennent pas au premier abord parce qu'il n'y a pas justement cette accroche esthétique, tu ne penses pas que l'œuvre en elle-même toute seule va pas suffire? Ou en fait, tu t'en fous, s'il ne s'y intéresse pas, c'est que de toute façon, c'était pas possible qu'il s'y intéresse ou je ne sais quoi? Non, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Enfin, quand on fait une œuvre, faut pas chercher à plaire, je pense. Même si, pour moi, c'est important qu'une œuvre puisse communiquer quand même avec le spectateur. Donc, j'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait une matière, même sans aucune connaissance scientifique ou sans aucune connaissance de l'art, on puisse accrocher, y trouver un intérêt, voilà. D'accord. Mais après, c'est une histoire de goût quand même, hein. Donc, ouais, mais enfin, c'est pour ça que je faisais réagir, parce que je me fais l'avocat du diable. Moi, je suis très consommateur typiquement d'art conceptuel qui, au niveau représentation, est très minimaliste. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup ce discours et qui est dur à critiquer, surtout que dans l'art contemporain, t'as tous les artistes qui n'ont pas encore été oubliés, qui le seront plus tard. Donc, c'est dur de justifier tout. Et t'as ce discours-là, c'est vrai que c'est compliqué de justifier une œuvre quand il n'y a qu'elle qui est là, et qu'en fait, il y a même un bouquin qui s'appelle comme ça, c'est « Non, votre enfant de 4 ans n'aurait pas pu faire ça », en expliquant quand votre enfant de 4 ans fait une tâche de peinture sur un tableau, c'est pas exactement la même chose que quand Pollock le fait, quoi. Ouais, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le titre, en effet, l'autre jour. Ouais, j'ai pas lu non plus, j'ai beaucoup lu. Ça m'a interpellée, mais... Oui, parce que bon, c'est toujours un peu... Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, c'est facile à faire, etc. » Mais bon, alors faites-le. Mais je sais pas... Moi, j'aime des œuvres qui sont très simples dans l'exécution et d'autres qui sont très complexes. Enfin, j'ai pas de barrière. Disons que parfois, des choses très simples peuvent être magnifiques et d'autres très élaborées peuvent être vraiment pas intéressantes à regarder et vraiment pas profondes. Et, donc, il y a aussi l'excès inverse qui est de faire une œuvre tape à l'œil, en se donnant des grands moyens, en essayant de faire des choses grandioses. Et finalement, c'est parfois s'éloigner du sens. Donc, ça peut aller dans les deux sens, quoi. Voilà. C'est un peu à double tranchant. Ouais, j'avais pas parlé de ça en fait d'ailleurs dans le domaine de la question, mais en fait, oui, tu t'as pas parlé des techniques que tu utilises, parce que j'ai l'impression que tu utilises beaucoup de choses différentes. Ouais, mais c'est beaucoup de dessins. Donc quand je dessine, j'aime bien utiliser du charbon et de la poudre de graphite. C'est souvent assez monochrome, mais je fais aussi de plus en plus de volume. Et donc j'ai fait des sculptures en acier, en cuivre, en bois. Voilà. J'ai appris à forger le métal aux Beaux-Arts et je me dirige de plus en plus vers des installations à échelle, de plus en plus grande, et j'ai envie de faire des choses de plus en plus immersives et qui soient vraiment... voilà. Ah, c'est intéressant. Et du coup, tu n'as pas parlé de photographie, juste au niveau des techniques? Alors, ouais. Parce que dans les exemples qu'on a à chatroom, il y a beaucoup de choses en noir et blanc. Je ne sais pas si c'est du dessin ou ça a quand même l'air d'être de la photo. C'est pour ça que je pose la question. Il y a une photo du soleil, d'une éruption solaire, par exemple. Alors, il y a une photo de la pierre de Rosette. Ouais. C'est alors, pas la pierre de Rosette. Ah, c'est pas la pierre de Rosette, pardon. C'est une tablette babylonienne. Ça, c'est un dessin. Oui, la tablette babylonienne, c'est une tablette qui raconte le passage de la comète de Halley en 164 avant Jésus-Christ. Et c'est un des premiers récits d'astronomie qu'on ait retrouvé. C'est une petite tablette. Et ça, c'est un dessin, donc, tu dis. Ouais, c'est un dessin au charbon. Voilà. L'éruption solaire, par contre, c'est une retouche d'une photo, solaire, c'est ça ? Alors, l'éruption solaire, d'après une photographie, donc c'est d'après une photo de la NASA. D'accord. Que j'ai retravaillé et que j'ai sérigraphié. La sérigraphie, c'est une méthode d'impression à la main avec un écran de soie. C'est intéressant parce que c'est une image qui, du coup, est assez moderne parce que clairement, c'est une image qui est prise par satellite, ça. Je parle de. Et alors qu'on a l'impression que c'est un vieil appareil photo, c'est alors assez amusant. En fait, sur cette couronne solaire, on sait faire des photos depuis quasiment 100 ans maintenant, avec un instrument qui s'appelle le coronographe, qui permet de prendre juste la couronne et donc qui permettait de voir ces grandes éruptions, etc. Mais le fait d'avoir les deux, ça, c'est, il faut être prêt, il n'y a pas le choix. Pour voir à la fois le soleil et la couronne. Et du coup, c'est une image qui est très moderne, mais qui a l'air de ressembler à ce que Bernard Liot faisait il y a 100 ans. Ouais, d'ailleurs, il y a un film super intéressant. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est juste un petit. Je ne l'ai pas vu en entier, mais il est sur YouTube, sur Dailymotion d'ailleurs. Je vais le mettre dans la chatroom. C'est les premières images qui ont été prises des couronnes solaires après l'invention, donc il y a 100 ans, avec une voix off derrière qui parle comme dans un speaker. C'est assez rigolo. Je vais l'avoir vu. Ah ouais, je veux bien regarder ça. Ça s'appelle. Hop là. Ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Bref, c'est ces premières. Je le mets dans la chatroom. Je te l'enverrai après. Mm-hmm. Voilà. Et c'est les premières vidéos qui ont été prises de la couronne solaire. Et ça, c'est très sympa. Oui. Et sinon, j'avais une autre question. Tu disais que tu allais vers des trucs de plus en plus. Grand pour être de plus en plus immersif. Donc, tu penserais par exemple à du landscape art, par exemple. Parce que je t'ai vu tes vidéos où tu marchais dans des carrières ou des choses comme ça. Est-ce que ça j'ai vraiment un rapport assez fort avec le paysage et je sens que voilà, je tends de plus en plus vers des choses de plus en plus grandes, parce que il y a un moment où on a envie de sortir de sa feuille de papier et d'aller sur les lieux. Mais alors, je ne sais pas si on pourrait qualifier ça de land art, mais en tout cas, j'ai envie de faire des nouvelles expériences, des nouvelles. J'ai envie d'aller plus sur les lieux et me confronter vraiment aux éléments, quoi. Je suis très. Je suis vraiment inspirée. Enfin, mes influences artistiques. Enfin, voilà, moi, j'ai beaucoup regardé le land art. Les artistes que j'aime, c'est James Turrell, Walter De Maria, Michael Heiser. Et voilà, c'est des personnes qui sont confrontées aux éléments, qui vont vraiment sur les lieux. Et c'est ce qui m'attire, quoi. On a une photo dans la chatroom de choses qui ont l'air d'être des sculptures sur sable. Ça, c'est des choses qui s'apparentent au land art, c'est ça, qui sont des œuvres faites à partir de la nature, qui sont très éphémères, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose. Oui, alors ça, justement, alors je me souviens pas du nom de l'artiste, mais oui, tout à fait. C'est pas toi, en fait, celle-là, d'accord. Non, ça, c'est pas moi. Mais j'aime beaucoup, c'est une œuvre. En fait, j'avais fait une exposition à Newcastle dans laquelle il y avait aussi cet artiste, mais son nom m'échappe là. Mais elle a cherché à recréer un paysage lunaire sur une plage. Je trouve ça génial d'ailleurs, avec des tracteurs et tout ça, une sorte d'atmosphère de chantier. Mais ouais, typiquement, voilà, c'est ce genre de démarche qui m'intéresse. Ouais. D'accord. Et, ok, bon, il y avait un. Oui. Donc bon, on va maintenant essayer de, donc toujours sur cette truc opposition entre art et science. Enfin, justement, toi tu dis que tu veux faire les deux ensemble et que tu penses qu'il n'y a pas de problème à faire les deux ensemble. Mais c'est vrai que le discours qu'on entend souvent, les scientifiques entendent ça souvent, c'est qu'on oppose souvent art et science pour leur représentation de la nature. Alors les scientifiques vont dire que les gens qui sont plutôt pro-science vont dire que c'est une bonne chose, et puis les gens qui aussi, moi je l'entends souvent, des gens qui disent que la science désenchante le monde tandis que l'art le sublime. Et c'est vrai d'ailleurs en particulier pour l'espace. J'avais mis une chanson de Brassens aussi que je veux bien que tu passes. Or, je voulais la couper au milieu, puis bon, je me suis dit comme l'émission n'était pas trop longue, on pouvait la passer en entier, Nico. Ouais, je la passe maintenant ? Ouais, vas-y. Peut-être juste avant une question d'introduction, ma foi. Est-ce que toi, j'imagine que tu navigues dans un environnement plutôt d'artistes, etc. Tu as l'impression qu'il y a plutôt une culture scientifique développée, une curiosité scientifique développée, ou pas tant que ça ? Je pense que si, quand même, il y a un intérêt. Enfin, il me semble que tout le monde s'intéresse à la nature et de plus en plus, mais des connaissances véritablement, pas spécialement. Mais un intérêt, oui, une curiosité. En tout cas, enfin, les artistes avec lesquels je peux discuter, oui, sont peut-être qu'on traîne ensemble parce qu'on aime les mêmes choses, mais. oui, ouais. D'accord. Ok, non mais c'est une vraie question parce que moi j'ai l'impression aussi que dans le milieu scientifique il y a quand même une curiosité au moins vis-à-vis des arts en général parce qu'en fait finalement les scientifiques sont des gens assez curieux et je me demandais si pareil du côté artiste il y avait une curiosité vers les sciences ou pas spécialement parce que... Bah, totalement, ouais, si, enfin, je pense que pareil quoi, c'est un milieu où on est très curieux, on a envie de comprendre, on a... Ouais, je pense que si, on peut dire ça. Bon, ben je lance Brassens du coup. Ça marche. Laissez-moi 2 minutes, c'est les joies du direct. J'espère que je ne t'embête pas trop avec mes questions imprévues, Caroline. Pas du tout, non, au contraire, c'est bien. C'est parce que je suis mal poli, je n'ai pas préparé à l'avance. Non, mais pas du tout, je pense que bon, continue un peu sur l'interview, je vais l'exporter dans un autre format, je pense que c'est ça le problème, Joanne. Je disais, cette phrase, donc la science désenchante le monde, pour moi c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais lire un article, à chaque fois que je vais voir une nouvelle image qui va sortir, etc., je trouve que le réel surpasse l'imaginaire et en général, je suis totalement enchantée par ce que je vois et ce que je découvre dans les sciences. Donc. Voilà, je pense que le réel est encore plus fou que ce qu'on peut imaginer. Et notamment les échelles dans l'espace, enfin, c'est tellement vaste, tellement... voilà, je pense que... En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me nourrit énormément et je dirais pas que ça désenchante. Je crois que ça... D'accord. Que régnait le grand pan, les dieux protégeaient les ivrognes, un tas de génies titubants, au nez rouge à la rouge trogne, dès qu'un homme vidait les cruchons, qu'un sac à vin faisait carousse, il venait en bande à ses trousses, compter les bouchons. La plus humble piquette était alors bénie, distillé par Noé, Silène et compagnie. Le vin donnait un lustre au pire des minus, et le moindre pochard avait tout de Bacchus. Mais se touchant le crâne en criant, j'ai trouvé la bande au professeur Nimbus est arrivé, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui, ça et là, les gens boivent encore, et le feu du nectar fait toujours luire les trognes, mais les dieux ne répondent plus pour les ivrognes. Bacchus est alcoolique et le grand pan est mort. Quand deux imbéciles heureux s'amusaient à des bagatelles, un tas de génies amoureux venaient leur tenir la chandelle. Du fin fond des Champs-Élysées, dès qu'ils entendaient un « je t'aime », ils accouraient à l'instant même compter les baisers. La plus humble amourette était alors bénie, sacrée par Aphrodite, Eros et compagnie. L'amour donnait un lustre au pire des minus, et la moindre amoureuse avait tout de Vénus. Mais se touchant le crâne en criant, j'ai trouvé la bande au professeur Nimbus est arrivé, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui, ça et là, les cœurs battent encore, et la règle du jeu de l'amour est la même, mais les dieux ne répondent plus de ceux qui s'aiment. Vénus est faite femme, et le grand Pan est mort. Et quand fatal sonnait l'heure de prendre un linceul pour costume, un tas de génies l'œil en pleurs vous offrez les honneurs posthumes pour aller au céleste empire. Dans leur barque ils venaient vous prendre, c'était presque un plaisir de rendre le dernier soupir. La plus humble dépouille était alors bénie, embarquée par Caron, Pluton et compagnie. Au pire des minus, l'âme était accordée, et le moindre mortel avait l'éternité. Mais se touchant le crâne, en criant j'ai trouvé, la bande au professeur Nimbus est arrivée, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui, ça et là, les gens passent encore, mais la tombe est hélas la dernière demeure, et les dieux ne répondent plus de ceux qui meurent. La mort est naturelle, et le grand Pan est mort, et l'un des derniers dieux, l'un des derniers suprêmes, ne doit plus se sentir tellement bien lui-même. Un beau jour, on va voir le Christ descendre du calvaire en disant dans sa lippe: merde, je ne joue plus pour tous ces pauvres types, j'ai bien peur que la fin du monde soit bien triste. Je crois que t'as mis Robin aux anges. Je sais qu'il aime beaucoup Brassens. Donc, tu as déjà répondu à la question sur. Parce que c'était plutôt sur le refrain, ce qui est la bande au professeur Nimbus est arrivée, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament, et qui pour moi était un peu symptomatique de cette opposition finalement entre poésie et. Enfin, pas forcément poésie d'ailleurs, mais spiritualité et science. Sinon, on a un tout petit peu venu avec Nico, on a un tout petit peu parlé. Quelles sont les réactions de ton public? Donc, tu as un peu parlé de pour toi, la culture scientifique, enfin, des réactions des artistes vis-à-vis des œuvres qui parlent de science. Est-ce que j'ai vu quelque part dans une de tes interviews que tu avais exposé à Genève et que tu avais des gens du CERN qui étaient venus te voir et discuter ouais. avec toi. Quelles sont les réactions d'habitude des scientifiques par rapport à ce que tu fais? Est-ce que tu en as eu? Écoute, j'ai toujours un peu une appréhension quand les scientifiques viennent voir mon travail, parce que justement, comme pouvait le dire Nico tout à l'heure, il peut y avoir un moment, je sais pas, pour eux, il y a moins de magie, quoi, parce qu'ils connaissent bien les documents et tout ça. Mais il y avait en particulier un physicien du CERN qui était là à l'exposition de Genève, et il a été extrêmement bienveillant, et il a eu une très bonne réaction. Enfin, ça m'a fait vraiment plaisir, quoi. C'est juste, voilà. On a eu une discussion super intéressante pendant le vernissage, et c'était de la bonne énergie, quoi. Voilà. Donc les réactions en général, voilà, il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas, en tout cas, c'est souvent. Ce que j'aime bien, c'est pouvoir discuter avec les personnes qui viennent voir l'exposition, et c'est enrichissant, et voilà. Ça me fait avancer. Très bien. Donc, on en parlait, là, tu as exposé cette année à Genève, à Paris ouais, aussi. Exactement. Et donc, plusieurs expositions de groupe aussi. Mm-hmm. J'ai cru comprendre que tu étais aussi allé visiter le laboratoire d'astrophysique de Marseille. Exactement. Ouais, c'était vraiment génial. Et est-ce que tu as des gros projets pour 2016, des expos ou des... Alors en 2016, ouais, donc 2015, c'était une année avec pas mal d'expos. Et donc, il y a un temps pour tout. Et là, c'est vrai que 2016, je vais vraiment me remettre au travail. Donc, je suis hyper contente parce que c'est ce que je préfère, finalement. C'est regagner l'atelier et me remettre à faire des nouvelles choses. Et donc, mais j'ai un gros projet. C'est un voyage à Cerro Paranal pour aller visiter les observatoires. Donc ça, c'est grâce au soutien du laboratoire d'astrophysique de Marseille. Donc je remercie beaucoup Emmanuel Hugo, parce que c'est grâce à lui que je vais pouvoir visiter ce lieu extraordinaire, donc, que je rêve de visiter depuis assez longtemps. Et j'ai le projet donc, de tourner un film là-bas, une sorte de court-métrage qui sera entre le documentaire et la fiction. Voilà, donc c'est un peu le gros projet. Donc spécifiquement sur le VLT, oui, parce que je rappelle, Paranal, c'est là où il y a beaucoup de télescopes, dont le VLT, le Very Large Telescope. Donc il y a beaucoup de scientifiques qui passent beaucoup de temps à Paranal, c'est là où on fait, c'est un des meilleurs observatoires du monde actuellement. Ouais. Et donc ça serait spécifiquement sur ce télescope-là ou... Alors ce serait sur le VLT, mais aussi il y a le chantier du EELT. Je sais pas exactement où ça en est au niveau du chantier, mais j'aimerais bien aller me promener là-bas aussi. C'est sur une montagne pas très loin. Et puis, le lieu en lui-même, les paysages autour, toute l'atmosphère qui règne dans les observatoires du Chili en général, quoi. Je vais essayer de faire une sorte d'itinéraire où je vais me promener, rencontrer des gens. Voilà. Bah, je le regarderai avec plaisir, j'espère que ça... et sinon, on a des gens qui nous demandent, mais si tu ne fais pas d'exposition, est-ce qu'on pourra quand même voir tes œuvres quelque part en ce moment ? Oui, alors il y a plusieurs endroits pour les voir. Il y a à Paris, je travaille avec une galerie qui s'appelle L'Inlassable. Et puis, donc, ils ont un lieu dans le 6e arrondissement à Paris, et puis on peut prendre rendez-vous avec eux. Et sinon, à Genève, à la galerie Laurence Bernard, elle a pas mal d'œuvres aussi. Voilà, il n'y a pas d'exposition en ce moment, mais on peut toujours prendre rendez-vous, voir les œuvres. Et puis, sinon, je serai en résidence pendant 3 mois près de la Baule, dans un atelier au bord de la mer. Et donc, pendant le mois de mai, ce sera atelier ouvert. Donc, voilà, je pourrais aussi... je vais faire une sorte d'exposition là-bas. Et donc, on pourra voir mes œuvres. Mais sinon, il faudra attendre... En septembre, je fais une exposition à Karlsruhe, en Allemagne. Voilà. D'accord. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'auditeurs. Enfin, on en a quelques-uns, mais on est plus dans les endroits francophones. Okay. Mais en Suisse, par contre, on en a quelques-uns. D'accord. Voilà. Comme tu évoquais les histoires de galeries, etc., une petite question, je la pose souvent maintenant, de plus en plus, avec nos invités qui font des trucs tout à fait excitants, un peu originaux, etc. Tu vis de quoi, en fait, aujourd'hui, des œuvres que tu vends, de cours de... Oui, je vis des œuvres que je vends. Pour l'instant, je fais que ça à temps plein. Et c'est vrai que j'ai... Ouais, écoute, je touche du bois. je sais jamais, c'est jamais. Tu vois, il n'y a aucune sécurité. C'est-à-dire que je n'ai pas de salaire, quoi. Je vis vraiment des ventes. Donc, c'est toujours un peu... Non, mais je vais faire plein de produits dérivés. Il y aura des t-shirts, il y aura des casquettes. Non, mais c'est juste que... Ouais, non, je continue à dessiner quand même. Non, les dessins, c'est vrai que c'est ce qui me permet de vivre, quoi. Et quand tu es en résidence, tu reçois un salaire ? En résidence, non. Alors là, je n'aurai pas de salaire, mais ils me prêtent l'atelier et j'aurai aussi un logement à disposition. Et en gros, voilà, pendant 3 mois, je peux vivre dans ce lieu. Et puis, mais je n'ai pas de bourse en plus, mais c'est déjà génial parce que c'est la première fois que j'aurai vraiment un grand espace pour travailler. Donc, ça ne m'est jamais arrivé. Donc là, je vais enfin pouvoir justement passer à l'étape suivante qui sera de faire des choses à plus grande échelle et tout. C'est vraiment quelque chose que je souhaite. Donc, je suis très, très contente d'y aller. Bah, félicitations et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Et sinon, question qu'on pose souvent à nos invités, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Alors, sur Internet, j'ai mon site, donc c'est carolinecorbasson.com. Sinon, j'ai Facebook, j'ai Twitter, et je dirais que Instagram, c'est peut-être là où je suis encore le plus active. Donc, Instagram, c'est pareil, c'est Caroline Corbasson. Voilà. Très bien, bah, je pense que les gens pourront te retrouver rapidement. Voilà. Avec plaisir. Voilà, bah donc je pense qu'on va arrêter là l'interview. On va passer au retour donc sur les oui donc les questions d'auditeurs, je les ai posées plus ou moins au fur et à mesure. Et donc en fait là, on est parti donc sur tous les mois on pose environ un quiz du mois donc sur souvent une vérité scientifique ou un truc bidon, donc info ou intox. Donc là cette semaine c'est sûr. Bah, ça peut être bidon ou pas, c'est ce que je dis, oui. C'est sur des questions de science bidon, souvent. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on a entendus et qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas scientifiquement. Je me trompe? Et là, cette semaine, c'est sur la bière après le sport. Est-ce que c'est bon pour les courbatures ou pas? les gens m'ont souvent demandé, c'est de moi la question. Hein. Je l'ai entendu plusieurs fois, on me l'a dit plusieurs fois, donc je voulais... C'est moi qui dois répondre là ou... Ah, oui aussi, c'est la base. Ah, si. Si tu veux, on peut te laisser réfléchir le temps d'une réponse d'auditeur qu'on a reçue en dernière minute, qui est une réponse d'Aude, si je dis pas de conneries. Oui, elle va sans doute se représenter. Et donc, bah, on l'écoute et on te laisse réfléchir, Caroline, et après, on veut ta réponse d'artiste qui s'y connaît en science. Quoi. Attention. Ok. Salut les équipe de podcast science, c'est Aude ou J-Code sur Twitter. Par rapport à la question du quiz du mois, info intox, est-il bon de boire une bonne bière? Déjà, je dis bonne. Une bière après le sport, ben moi je dis info, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, toutou, c'est bon pour le moral, c'est bonbon. C'est bonbon. Mais sinon, pour la santé, ce n'est pas bon. Wow. oui, parce que l'alcool, c'est mal. Bon, bah voilà. Ciao, ciao. Voilà. Caroline, c'est à toi. Bah, non, mais moi, je sais que l'alcool, ça déshydrate. Donc, en général, quand on fait du sport, on a besoin de récupérer et de se réhydrater. Donc, je dirais non. Mais après, s'il y a quelque chose de... voilà, une espèce de miracle. La réponse scientifiquement arrive, ouais. Attention. Ah, il y en a d'autres avant. Ah, tu veux passer directement celle... On avait comme tu veux, non, je te laisse, lire. Je disais qu'on allait avoir Alan qui allait nous remonter le niveau. Alors, donc on en a une qui dit... qui dit à peu près ce que tu dis d'ailleurs. Bonjour à toute l'équipe. Pour le quiz, je pense que l'alcool n'est pas génial pour le corps à cause de la déshydratation et des effets des déchets produits. Cependant, le sport nous fait perdre des éléments minéraux qui sont probablement présents dans la bière. Le fait de boire une boisson agréable, ce qui a toujours un effet sur le mental, et le fait d'y croire doit jouer un effet placebo, peuvent être des aspects positifs. Donc, je pense que c'est plutôt neutre. À préciser qu'on parle ici d'une bière et non pas vin après le sport. Pour le dossier, ça n'avait pas à voir avec le quiz. Tu lis le suivant. Alors, donc, on enchaîne avec avec Blouse Blanche qui dit « Ave dictateur, bonjour chers tous ». Alors, je ne sais pas à qui il s'adresse en disant « Ave dictateur », c'est un grand débat. Ah, un quiz qui m'intéresse au plus haut point. Faisant partie de ces sportifs qui prennent une bière au vestiaire après les entraînements. Bon, moi je dirais info, en plus ça m'arrange. À mon avis, il y a dans la bière vitamines et minéraux utiles à la récupération. Par contre, j'imagine qu'il y a très peu de protéines. Le problème, je pense, c'est l'alcool, que j'imagine mal être bénéfique. Il y a toujours la bière sans alcool, au pire... C'est très mal lu. Je brûle d'impatience de connaître la réponse. En attendant, santé les amis. PS, ce message est sous licence Beerware. Voilà, et on avait un dernier, alors je vais lire juste la partie qui concerne. Et je pense pas du tout que la bière est à la récupération, même si après un match de foot US, je m'en enfile souvent une. C'est bon pour le moral plus que pour le corps. Donc plutôt un tox en fait pour la plupart des gens. Hein. Je crois que peu de gens y croyaient. On écoute la réponse du maître. Bon les enfants, entre l'émission radio dessinée du 16 janvier dernier, Lyon Science le 7 février, pour lequel j'avais pourtant refusé de m'impliquer, mais dans lequel je me retrouve quand même mouillé jusqu'au cou, le Big Bang qui décolle sur les chapeaux de roue, on envoie des offres à tire-larigot en ce moment, la famille, l'univers et tout le reste, inutile de dire que je n'ai pas eu des masses de temps pour prendre la réponse au quiz du... du quoi d'ailleurs ? Allez, on va dire de la saison. Bref, la question était, la bière après le sport aide à récupérer ? Info ou intox ? Eh bien, la réponse très officielle et très scientifique de Podcast Science est « je n'en sais rien ». L'Internet mondial y va joyeusement de plein d'opinions de café du commerce, idéalement calibrées pour se donner bonne conscience. Mais je n'ai pas trouvé de papier académique sur le sujet. Alors d'un côté, j'ai envie de vous dire « le sport, ça fait du bien », « une bière ne fait pas de mal », alors faites-vous plaisir. Comme le chante très bien notre Gécode préféré, c'est bon pour le moral. Mais bon, c'est pas très scientifique. Alors j'ai tout de même essayé de vous dénicher un petit quelque chose, mais vraiment tout petit, hein. C'est un article de Jen Murphy, publié dans le Wall Street Journal du 9 octobre 2015. L'article, qu'on trouve dans la section Life du journal, porte un titre en forme de question. « Is beer a good recovery drink after a workout ?» La bière est-elle une bonne boisson pour récupérer après un entraînement ? Et fait le point sur des positions d'experts sur la question. Il ne cite aucune source, il peut s'agir de croyances aussi bien que de faits, il ne faut donc pas prendre cela pour argent comptant. En résumé, l'article déclare que selon les experts, la bière contient des polyphénols qui peuvent être bénéfiques, mais sans doute pas autant d'hydrates de carbone que ce à quoi on s'attendrait. Pour Jim White, cité dans l'article, le directeur d'un centre de fitness et de nutrition en Virginie, et oui, je vous avais prévenu quant aux sources, la bière n'est pas idéale, car, explique-t-il, le corps a besoin d'hydrates de carbone après un entraînement pour remettre à niveau ses réserves d'énergie sous forme de glycogène. Or, la bière ne contient que 14 grammes d'hydrates de carbone, quelle que soit la taille de la bière apparemment, et donc ne suffit pas à la récupération. Monsieur White estime qu'un athlète, pour se remettre d'un entraînement difficile, devrait boire de l'eau ou des boissons avec un ratio sucre-protéine de 4 pour 1. Une fois qu'il est hydraté, il peut boire une bière ou deux pour le plaisir, en prenant bien soin de boire encore un peu d'eau pour compenser l'alcool. Cependant, des recherches indiquent que une à deux bières, quelques fois dans la semaine, peuvent amener un bénéfice aux athlètes, nous indique l'auteur, sans, bien sûr, préciser lesquelles. D'après M. White, certains composés connus dans la bière, sous le nom de polyphénol, peuvent renforcer la fonction immunitaire pendant les exercices intensifs prolongés. Bref, le reste de l'article ne vole pas beaucoup plus haut, je vous épargne la suite. Tout cela pour dire que face à la question « boire une bière après le sport permet de récupérer un faux ou un tox », une bonne réponse scientifique pourrait être « on ne sait pas encore, cela n'a pas été étudié ». À partir de là, on peut se raconter plusieurs histoires. Par exemple, tant que la science n'a pas prouvé que c'est faux, on peut admettre que c'est vrai. Ou en tout cas, admettre que l'hypothèse est valide. Je vous laisse y réfléchir. En attendant, si vous voulez ma recommandation personnelle, ce sera « faites de votre mieux, les amis », ce sera déjà pas mal. Sur ce, je retourne vaquer à mes occupations. Je vous laisse deviner s'il s'agit de sport, de bière ou de tout à fait autre chose. Tant que vous n'en faites pas le nouveau quiz. À bientôt, bisous. Bon, ben voilà. On n'est pas okay. Plus avancé finalement. Je suis un peu déçu, je pensais vraiment ouais. Que... Parce qu'on voit beaucoup passer d'articles qui disent ça ou qui disent le contraire. Je pensais vraiment qu'il y avait des études scientifiques, mais bon, bah tant pis. Bah écoute, non. La science n'a pas encore parlé, donc amis chercheurs en herbe, vous savez sur quoi vous lancez. Il y a des publications à faire. Sur le... on va passer au pitch de la semaine prochaine, rapidement. Est-ce qu'on parle de Lyon Science avant peut-être ? Je l'avais prévu après, mais on... Ah bah d'accord, bon ben ok, donc on passe au pitch de la semaine prochaine, je te laisse. La semaine prochaine, on reçoit Julien Perrin de l'association Happy Happy Apiculture. Il y a trois Happy, dont un qui s'écrit comme Happy, agrégé en sciences de SVT et aussi apiculteur, chercheur, vulgarisateur. Il viendra nous parler de ses activités d'apiculteur et de ses recherches et programmes de multiplication d'abeilles rustiques qui se déroulent en Essonne et Yvelines en collaboration avec des apiculteurs et chercheurs européens. Billy en profitera pour lui poser plein de questions sur le monde de la ruche, l'histoire de l'apiculture et l'état de nos abeilles actuellement. En attendant, vous pouvez faire un petit tour sur son site et préparer aussi vos questions. Donc, site qui, je pense que si vous tapez apiculture dans Google, vous devriez trouver. On va passer maintenant à la quote. Est-ce que tu avais ramené une quote comme Caroline ? Oui, ouais, ouais. Alors, attention. L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. C'est une citation de Robert Filliou, un artiste. Et pour moi, c'est une citation plutôt philosophique, mais qui est assez en tout cas qui tombe bien aujourd'hui par rapport à notre réflexion, c'est-à-dire que l'art, c'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt un moyen pour voir la vie autrement, enfin pour s'approcher, pour mieux s'en approcher, quoi. Voilà. Après, on peut l'interpréter de différentes manières, mais disons que pour moi, l'art, c'est plus un... c'est pas, voilà, l'art, quand on dit l'art pour l'art, je ne suis pas tellement d'accord. Enfin, pour moi, c'est plus... au final, on revient... Enfin, c'est un enrichissement qui permet d'encore plus apprécier la vie. Et voilà, c'est comme ça que je le vis, en tout cas. J'aime beaucoup, moi. Je pense que ça va faire plaisir aux matheux, en plus, comme quote un peu récursive. voilà, bah, du coup, je te laisse faire la conclusion, plug et la conclusion. On va faire quand même un petit plug donc, sur Lyon Science, parce qu'avant, la semaine prochaine, il y a un petit événement qui est Lyon Science. Donc, c'est la deuxième grande édition de Lyon Science qui aura lieu le dimanche 7 février 2016. Il y a de grandes chances que vous écoutiez cette émission après, mais vous pourrez l'écouter dans le flux de podcast Science. Salut à l'amphithéâtre Charles Mériot de Lyon à partir de 10h le dimanche. Donc, on y parlera de science, bien entendu. Et vous pourrez y entendre quelques voix connues de podcast Science. On vous recommande chaudement de suivre l'événement. Alors, on y sera présent avec plein d'intervenants cette année. La grande particularité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde et des gens de qualité. Il y a Alexandre Moiti, que vous aviez déjà entendu venir parler d'Alter Science en particulier. Florence Porcel, qui est venue nous parler des réseaux sociaux, du réseau social de la galaxie de l'univers sur Twitter et qui fait beaucoup de choses sur Internet diverses et variées autour de... principalement de l'astrophysique. Sébastien Carassou, qu'on a déjà entendu venir parler du collectif Conscience, et puis qui depuis a fait une chaîne YouTube Sense of Wonder. Pierre Carder, qu'on ne présente plus, tant à chaque fois qu'on le présente, on pense à des animaux un peu dégueulasses. Moi-même, qui vais vous parler de la suite et fin de l'amour mathématique. Alan, je ne sais pas exactement de quoi il va parler, mais donc plus la peine de le présenter non plus. Et puis plein d'autres personnes. Il y aura aussi cette année, par rapport à l'an dernier, une petite nouveauté du fait qu'on se rapproche de vulgarisateurs, etc. Des sujets qui seront un peu méta-scientifiques, c'est-à-dire de comment on fait de la vulgarisation scientifique, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, donc des réflexions un peu intéressantes. Enfin voilà, donc plein de choses qui s'annoncent très très bien, toujours avec nos dessinateurs de Strip Science. Donc, à absolument pas louper, si vous n'êtes pas trop loin de Lyon, venez nous voir, on sera ravis. Et voilà, que dire de plus? C'est plutôt bien vendu, non? Ouais. Parfait. Voilà, donc nous, du coup, maintenant, on vous invite tous à aller sur le site de Caroline pour voir un peu plus de ses œuvres, et puis encore mieux, j'imagine, d'aller au vernissage, de pas trop l'embêter, mais par contre de discuter avec elle sur les sciences, etc., parce qu'a priori, ça a l'air de l'intéresser, et ça nous intéresse aussi si vous nous faites des retours. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine, on va parler d'abeilles avec Billy, donc ça s'annonce joyeux, comme d'habitude quand il y a Billy. D'ici là, n'hésitez pas à parler de nous sur les réseaux sociaux, vous le savez maintenant, sur Facebook, Twitter, sur tout l'Internet mondial, sur Podcast Science.fm, on n'a pas encore de nouveaux quiz, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, que dire de plus, à la semaine prochaine, et d'ici là, que servir la science soit votre joie. À ciao. Mais super, merci beaucoup. Hein. Moi, je suis hyper curieux de ce que tu peux faire, enfin, du métier d'artiste en général, surtout que j'ai l'impression qu'un peu comme plein de métiers, il est en train de subir une mutation assez incroyable. Je ne sais pas quelle vision tu as de l'apport des artistes mono-œuvres d'Internet, où tu as beaucoup de gens qui font des productions assez extraordinaires, mais qui en général en font qu'une sur Internet, qui tranchent un peu avec les artistes de carrière qu'on a eu pendant des décennies... Tu veux dire un artiste qui va faire un buzz à un moment dans sa carrière et qui... On va appeler ça un buzz, mais buzz ce serait presque péjoratif, mais qui vont en effet faire des créations qui vont parler à énormément de monde à travers le monde entier, mais dont des fois, la plupart du temps, on ne sait même pas qui c'est. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un nouveau phénomène qui est assez... mais je trouve que c'est bien, parce que du coup, ça ouvre les possibilités. Avant, il fallait être repéré par une galerie, absolument, et puis... Et puis sinon, on pouvait pas partager ce qu'on faisait. Et moi, je trouve ça génial qu'aujourd'hui, tout le monde puisse partager son art et puisse le diffuser. Je trouve que c'est vraiment... c'est un super outil, quoi. Il faut s'en servir. Ouais, et Après, puis ça remet en question, comme plein d'autres domaines, en fait, même au domaine des sciences en particulier, la notion d'éducation, en fait, parce que, je pense que j'imagine c'est, que tu as fait une formation artistique. Oui, moi j'étais aux Beaux-Arts. J'étais aux Beaux-Arts de Paris, mais... Et je pense qu'il y a beaucoup de ces gens-là, en fait, qui sont sans doute, comme il y a beaucoup de gens dans la technique, en particulier sur le web, qui n'ont aucune formation poussée en technique, juste qui ont appris sur le tas. Je pense que tu as beaucoup de ces artistes d'un jour, ou voire même un peu plus long, qui en fait, n'ont pas spécialement de formation artistique, quoi. C'est vrai, et en ça, je trouve ça très intéressant. Enfin, moi, je pense que... Il y a des très grands artistes qui sont jamais allés à l'école, heureusement. Et voilà, je pense que... Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est de suivre la carrière d'un artiste dans sa continuité, dans sa globalité. Donc, un artiste qui fait une œuvre, si elle est très marquante, ouais, pourquoi pas ça... Mais bon, moi, j'aime bien quand même suivre le travail d'un artiste pendant longtemps et voir son évolution. Et je trouve que souvent, l'œuvre, c'est l'œuvre d'une vie, quoi, en général. Ouais, c'est comme pour les musiciens. Il y a des gens qui font un truc, un hit et qui est peut-être une bonne chanson. Mais ce qui est souvent intéressant, les œuvres préférées ne sont pas forcément les trucs les plus connus. C'est juste qu'il faut avoir s'être bien familiarisé avec l'artiste. Est-ce que tu as eu du mal à dire « je suis artiste » ? Bah, c'est le problème, c'est que ça paraît pompeux, en fait, quand on dit qu'est-ce que tu fais, bah, je suis artiste. Alors bon, je le dis quand même, hein, parce que c'est le cas. Hein. Je dis oui, donc je suis artiste, je fais du dessin, de la sculpture, et puis j'enchaîne un peu sur une description de ce que je fais, comme ça, ça. Mais. C'est comme moi aussi. Enfin, bref, quand je dis je suis astrophysicien, il y a le même genre de. Même combat, quoi. Et c'est rigolo parce qu'en fonction de ce que. Si tu as envie d'engager la discussion avec la personne, tu peux lui dire je suis astronome, astrophysicien ou astrophysicien théorique. Et souvent, si tu dis astrophysicien théorique, les gens ils disent ah bon, puis ça ne les intéresse pas. Ouais.